seulement appris que vous aviez été à elle, qu'à lui vous aviez fait mention de moi. Elle a dit que j'étais d'un naturel gentil, mais nul en natation. Elle leur a dit que je n'étais jamais parti, et nous savons bien. Vous en avez eu deux. Nous de vous, au moins trois. Toutes de lui, à vous sont revenues, ayant été d'abord à moi. Si par hasard, il advenait que nous soyons elle et moi, mais il advenait que nous soyons, elle ou moi, mêlés à cette affaire, devrait les laisser, tout comme nous l'étions, d'après lui, libres, libres comme l'air. C'était mon sentiment que vous aviez été avant. N'avouez pas qu'elle les aime mieux. Cela doit